24 observations, prononciation, leçon A. Écoutez. Hasard, talent, accent. Notez que le A français est plus antérieur que le A anglais. Il est prononcé plus avant dans la bouche.